l'ami, c'est Lenzo et DJ Def Killa. Pas te permettre si t'aimes pas mon rap. Chacun son taf, mon frère. Tu as appelé au mec du bloc. Ici c'est Marseille. Lenzo. Et les rageuses.